C'est fou, ça. C'est nous. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. On reçoit Alexandre Delage avec sa chronique Boulamite. Et les sorties spectacles avec Stéphanie Gagné dans Take Me Out à assemblage requis. Lundi 8 novembre 2010, bienvenue à Assemblage requis, votre émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, François-Olivier. Salut, François-Olivier. Ça va bien? Ben, vous passez une belle fête de semaine? Oui, mais ça s'est gâché hier. Ah ouais, moi aussi. Comment ça, toi? Et à cause du gala de la disque. Ah non! Oh oui. T'écoutais ça? J'ai ouais, malheureusement. Maxime Landry, as-tu quelque chose avec ça? Ça m'a fait chier. Ah, Colin. C'est normal. C'est offusquant pour tout le monde, je trouve. Mais je trouve ça très plate, mais de toute façon, écoute, je pense qu'on va en revenir un peu plus tard dans l'émission. OK. Aujourd'hui... Mais sinon, toi, pourquoi ça... Ah, ben parce que ben je vais en parler dans ma chronique CNX tantôt. J'ai des petites mésaventures. Avec ton mec? Ouais. Ah ouais, t'es sûr? Ouais. Je vais en parler tantôt. Ça t'as va pas être, garaché en bas de... Proche. Ah ouais, t'es sûr? Proche. Donc ça, c'est dans la chronique CNX aussi. On va avoir C'est un fait, avec des faits divers. On va avoir Stéphanie Gagné avec ses sorties spectacles dans Par téléphone, par exemple. Oui, par téléphone aujourd'hui, pour faire changement. On casse la routine, on brise. On brise la routine, c'est ça? On brise ou on casse la routine? On la fend en quatre? Exactement. On se fend en quatre pour la routine, bon. On se fend en quatre pour la routine. On a Alexandre Delage aussi. Oui, exactement, avec sa chronique Boulamite cette semaine. Je sais pas exactement de quoi il... Je vais t'en parler, mon cher. Ben, vas-y. Mon cher. C'est dans sa chronique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce que c'était celle-là? Je crois qu'on est rendu à... Est-ce qu'on est rendu? On a fait talk show, hein? Je crois que oui. Ouh, on est rendu ouais. À la quatrième. On va voir les artistes short. Je sais pas. J'essaie de le voir, puis je le vois pas. Ah, les gars, on va voir ça tantôt. Filter, bon. Filter, puis spawn. Bon, pas compliqué, spawn. Ça. Ouais. C'est l'affaire, le niaisage. Okay. Donc, on a ça. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a... J'ai du chialage encore plus aujourd'hui. Là, c'est vrai. Ouais. Là, c'est vrai. C'est aujourd'hui que je fais ça. Garde fait que, grosse émission. Qu'est-ce que t'en penses? Ben ouais. Ben ouais. Là, tu vas-tu chialer à propos du Mac? Ah, je vais chialer sur plein d'affaires. T'as quand même pas le choix, là. Non, je sais, mais ça, le Mac, je vais le faire. C'est certain, même que tu vas être tanné d'entendre parler à la fin. Je suis pas mal sûr. Ah ouais, t'es sérieux? Ah ouais, ouais. T'apprécieras pas. T'es-tu capable de fonctionner aujourd'hui avec. Ouais. Ça va, il est ouvert. Il fonctionne en ce moment. Il n'y a pas de problème avec ça. On va entendre une pièce de Métagruo. On écoute Banana et puis on revient après à son majeur. À un moment donné, ça va faire les affaires. Ben, ok. Hey! Hein? Il y a ben des foutues limites. Mais on est bien lundi, il commence à faire clair de bonheur. Ouais, ça c'est le fun bête. Ouais, fait du bien. Vanessa Parietar et la pièce La Dépendance de leur maxi canicule et ours polaire ici à Assemblage Rocky. Ça finit très mal. Oui, ça finit sec. C'est un CD qui s'enchaîne. Ah ouais. Hein? Bon. Vous êtes à Assemblage Rocky, c'est l'émission matinale en pièces détachées. Hein? C'est vrai ce qu'on l'a dit? C'est vrai pareil. OK. C'est vrai. C'est le moment de chialer sur des choses qui me sont arrivées cette semaine. Voici CNX. Hop, la roulette. J'ai l'impression qu'on va perdre avec cette roulette-là. Attention. Oh. Les mésaventures de Mathieu. On a perdu. Donc, c'est le moment de chialer sur ce qui s'est passé en fin de semaine. Disons, la semaine passée, même depuis les 3-4 dernières semaines. Vous savez que j'ai un superbe ordinateur Mac, hein? Ouais. Ouais. Ah, pour être beau, il est beau, mais est-ce qu'il fonctionne? Ah, c'est ça le problème. Depuis quelques mois, je dirais, la batterie avait des problèmes. Là, je l'ai acheté cet été, dans le fond, l'ordinateur. Okay. Je l'ai acheté cet été, ça va jusque-là. Yes. Là, cet automne, j'avais des problèmes. Il fallait que je débranche, que je rebranche la batterie. Ça me disait jamais la bonne affaire. Mettons, je savais qu'elle était chargée au complet, mais ça me disait qu'elle était déchargée ou le contraire. Puis là, des fois, il voulait pas marcher seulement sur la batterie. Il fallait que je le branche dans le mur pour le faire fonctionner, pour le faire allumer. Donc, j'étais allé au Apple Store à Montréal. Est-ce qu'il ne se doit pas pour un ordinateur payer ce prix-là? Non. Exactement. Les gens partaient, écoute, pas avec une prise. Très, très bon point. Très bon point. Donc, je suis allé au Apple Store à Montréal, c'est-à-dire à genre 1h30 d'ici, aller-retour. Là, c'est ça, parce qu'il n'y en a pas 3h. C'est ça, exactement. Plus les restaurants, plus le magasinage, etc. Ouais, ça, c'est à part. C'est un voyage à Montréal avec une fille. Hein, ça ouais. Bref, ils ont changé ma batterie et mon fil, tout allait bien. Okay. Parfait. Tout allait bien là-bas dans la boutique. Parce que ouais, c'est ça. Hein. Puis pendant les premières semaines, ça allait quand même assez bien. Avant d'aller au Apple Store, j'étais allé ici à Trois-Rivières dans un commerce qui fait de la réparation de marque. Ils n'avaient pas réussi à détecter, à diagnostiquer le problème parce que s'ils ne peuvent pas reproduire le problème dans un détaillant autorisé qui n'est pas un Apple Store, ben ils peuvent rien faire. Il faut absolument que le test donne une réponse pour pouvoir faire la modification. Alors qu'au Apple Store, j'avais montré une petite vidéo que j'avais fait, que j'avais mis sur YouTube, et puis c'était correct, ils m'avaient changé ma batterie. Fast forward à quelques semaines plus tard, là, tout allait bien pendant quelques semaines, et là récemment, ils voulaient juste plus allumer. Du tout. Là, c'est un MacBook Pro, modèle de l'été 2010, le plus récent qui est sorti, donc ça serait le fun qui marche. Il allumait pas. Il a fallu faire une combinaison de touches en appelant au Apple Care, qui est la garantie prolongée. Parce que, c'est ça, tu l'avais pris aussi. Si tu l'avais pas pris, bah, t'arrêtais dans le marbre. Exactement. Ben, c'est pour ça qu'on conseille aux gens de prendre un Apple Care avec un Mac. C'est selon ma personne et selon bien des gens sur les différents endroits, t'as pas le choix. Parce que sinon, ils vont te dire, ben, désolé, va falloir que tu payes le gros montant. T'sais. C'est n'importe quoi. Oui, je sais. Donc, bref, j'ai appelé, ils m'ont donné une combinaison de touches. Je la faisais, j'ai comme reseté l'alimentation de mon Mac. Et puis, oui, finalement, il ouvrait. Mais là, à chaque quelques jours, il voulait pas ouvrir. Il fallait que tu fasses la même procédure pour exactement. C'est pas une procédure compliquée, c'est genre... Non, mais c'est pas une procédure qui doit se faire non plus. Là. T'es supposé appuyer sur le bouton et que ça allume. Ben, un ordinateur, d'habitude, c'est ça. T'appuies sur le bouton et ça, go. Donc, c'est Shift, Ctrl, Alt, Command. Si vous voulez le retenir en appuyant sur Power quelques secondes, lâchez l'affaire et puis refaites Power. Bref, cherchez sur Internet pour avoir la procédure par étapes parce qu'il faudrait pas que vous empiriez votre cas. Donc, ça allumait, c'est ça. Et puis là, depuis quelques jours à peine, là, vraiment, il voulait juste plus ouvrir sans être branché dans le mur. Donc, il fallait absolument brancher le fil, faire la combinaison de touches, puis appuyer dessus. C'est n'importe quoi. Et puis, il apparaît un petit X dans ma batterie, comme de quoi que j'ai pas de batterie par moment. Alors que là, ce matin, il y a une batterie. Là, ça me dit que j'en ai une. Fait que c'est n'importe quoi. Il y a sûrement un problème. Donc, je suis retourné au Apple Store en fin de semaine, hier, dimanche. Avec un gars très sympathique là-bas, les Genius là-bas au Genius Bar. Oui, il s'appelle le Bar des Génies. Je sais que c'est spécial. Donc, le Genius Bar, le gars m'a conseillé, s'est renseigné lui-même à un de ses collègues et ça, en montrant une autre vidéo que j'avais enregistrée, la vidéo montrant que l'ordi s'allume pas à part si tu fais la combinaison de touches. Là, il montre ça à son ami. L'ami lui dit « Ah ouais, j'ai lu un article là-dessus récemment sur ce modèle-là exactement de Mac. » Et puis, ça dit qu'il faut changer le Logic Board. Logic Board, c'est la carte mère. C'est le corps de l'ordinateur, c'est ça dans quoi tout se branche. Donc la procédure est super compliquée et il m'a dit que la valeur de ça, il m'a fait imprimer la feuille, la valeur de la pièce. De changer, juste la pièce? Ah, la pièce et la main d'œuvre, c'est environ 1050$. L'ordinateur en vaut peut-être environ 2000, on s'entend que j'ai pas payé ça d'un coup sec là, fait que bon. Bref, 1000$, c'est la moitié du prix de l'ordinateur, donc il me dit, le gars me dit... Je peux pas changer ton ordinateur. Évidemment, j'ai demandé, est-ce que éventuellement, si ça répète le problème à chaque fois, est-ce que vous allez pouvoir me le changer? Il dit non, monsieur, parce que la réparation vaut moins cher que l'ordinateur. Et puis, il dit quand... Ouais, mais mettons que t'achètes un ordinateur Dell ou HP ou peu importe, compact, n'importe quoi. L'ordinateur, les pièces, c'est des pièces les plus cheap possibles. Donc, le prix est gonflé et là, tu payes environ 500$. La réparation, c'est sûr qu'elle va coûter en haut du prix que ça aurait coûté pour le fabriquer. Donc, c'est facile pour eux de le changer. Mais eux autres, là, ils perdraient la moitié environ de leur... Ben, peut-être... C'est sûr que la marge de profit sur un Mac doit être assez énorme aussi. Là, mais moi, je suis pas inquiet pour eux autres. Mais c'est qu'ils perdraient de l'argent. C'est ce qu'ils veulent. Et le pire, c'est qu'il n'y avait pas la pièce en magasin. Il aurait fallu la commander. Donc, ça prend 3 à 5 jours à commander la pièce. Donc, il aurait fallu que je retourne à Montréal pour après ça lui redonner mon PC. Parce que moi, je travaille sur mon Mac. C'est mon ordinateur de job. Donc, il aurait fallu que j'attende que je fasse ma job. Après ça, que j'aille reporter l'ordi une fois que la pièce est arrivée. Après ça, revenir chez nous, pas l'ordinateur. Combien de temps? Retourner sûrement un autre 3 à 5 jours après ça pour installer la pièce. Donc, en tout, peut-être une dizaine de jours, plus le temps de coordonner notre horaire pour pouvoir y aller. Donc, peut-être que j'aurais été deux semaines sans ordinateur. Le pire là-dedans, c'est que l'employé d'Apple, et là, je dirais pas, tu sais, qu'il est pas bon comme employé, il est super bon, mais il m'a donné un conseil qu'il a lu sur Internet, puis c'est pas vrai, OK? Il me dit... C'est pas vrai? Non, c'est ça. Il me dit... C'est pas vrai. C'est con, là, tu vas voir. Il me dit, appelle chez AppleCare. Au service de garantie prolongée. C'est ce que t'as fait. C'est ça, mais là, je l'ai refait après avoir visité le magasin. Parce qu'il me dit, tu peux commander une boîte de carton qu'ils vont t'envoyer à la maison. Tu vas pouvoir mettre ton ordinateur dedans, leur envoyer, ils te le réparent et ils te le renvoient. Okay? Ça, ça aurait pris, tu sais, mettons, j'attends de faire mon travail. Après ça, j'ai comme une semaine et demie sans avoir à vraiment utiliser mon ordinateur pour le travail. Donc, j'aurais pu peut-être l'envoyer le premier jour où j'ai fini. Après ça, attendre puis le recevoir, espérons-le, avant ma prochaine période de travail où j'ai à faire ce que j'ai à faire. Donc, ça aurait pu marcher comme ça. Ça aurait été moins de troubles que de monter à Montréal en auto, tu sais. Mais c'est un service qui est seulement offert aux États-Unis. Ah ouais. Fait que le gars, il m'a conseillé ça, mais tu sais. Fait que bref, renseignez-vous tout le temps avant de prendre pour acquis ce qu'on vous dit dans des magasins, même si c'est un service pour lequel vous avez payé au début. Tu sais, l'AppleCare, ça coûte un petit peu d'argent. Bref, c'est ça, je vous conseille l'AppleCare. Moi, ma dernière mise à jour sur ce que j'ai à faire avec cet ordinateur-là, c'est que là, présentement, il y a encore le même problème parce qu'il n'y a eu aucun changement. Je vais aller chez... Il y a deux places à Trois-Rivières. Pour ceux qui ont des Macs, là, je vous conseille, si vous avez un Mac, vous êtes nouveau là-dedans, parce qu'on s'entend qu'il y a de plus en plus de monde qui aime les Macs. Et puis... comme le vendeur me disait, mettons qu'il y a 1% des ordinateurs qui sont des citrons ou qu'ils ont une pièce pas correcte, ben 1% de très peu de gens, c'est pas beaucoup. Puis 1% de plein de monde que de plus en plus c'est populaire, ben ton 1% devient plus gros. Fait que c'est normal que t'aies peut-être des fois des problèmes, même si t'as payé cher. Bref, à Trois-Rivières, c'est chez Gigatech et chez Ordi Plus. Donc si jamais ça vous tente, c'est les seules places. Fait que c'est pas parce que je veux faire de la pub pour eux, mais c'est les seules places. Mais toi comme. Mais en tout cas, pour revenir au 1%, c'est bizarre que toi, dans le sens que t'en as eu deux. Oui, c'est vrai. Si je me trompe. Et puis t'as pogné deux citrons. Moi, ouais, ben c'est ça. Le premier, c'est un problème de disque dur et peut-être une erreur de ma part où on m'avait dit que c'était pas grave de le mettre en veille parce que le Mac avait un très très bon système de veille. Donc j'avais fermé le capot comme un épais, croyant ça. Et puis j'avais pas attendu assez longtemps. Je crois que c'est sûrement peut-être ma faute que mon disque dur a pété. Dans ce cas-ci, c'est vraiment loin d'être ma faute. Là. Non, t'as pas eu ton droit là-dessus. Hein? Des fois, il y allume, des fois, il allume pas. Des fois, il y a un X, des fois, il y en a pas. C'est bizarre. Mais là, comment ça va sonner? Tu vas aller... Je vais aller dans une des deux places, qu'on ne dira pas laquelle pour faire trop de pubs plus que ça. Mais bref, je vais y aller. Je vais leur demander. Ils vont me commander la pièce. Ouais, mais... Que je ne pas. Mais je ça va pas, fonctionner. Là. Hein? Je ne paierai pas. Là. Non. Ah non, j'espère. Non. Mais ça va fonctionner parce que quoi? Parce que l'App Store, ils t'ont donné un papier comme quoi qui était brisé. Exactement. J'ai un numéro de référence. Donc, chez Apple, eux autres, dans leur ordinateur, là, mon adresse courriel personnelle est liée à mon compte avec mon ordinateur et tous les appareils Apple que j'achète sont enregistrés sur mon adresse courriel. Donc, eux peuvent aller voir ça. Et même, tu sais, quand j'étais allé au magasin, entre guillemets, ici à Trois-Rivières pour faire réparer la première fois que mon problème de batterie est arrivé, il me disait, je peux rien faire parce que j'ai pas eu de diagnostic. Mais après ça, c'est que lui, il peut pas reproduire. Alors que si Apple lui dit, change la pièce, lui, dans le fond, suit les ordres qu'Apple lui donne et est payé par Apple pour faire la modification. Dans le fond, ça coûte rien à l'utilisateur. Cela, Apple Care, c'est tu payes 200-300$ au début pour une garantie de 2 ans, quelque chose de genre, ouais. Et puis, après ça, je pense que tu peux la prolonger. Bref, j'ai pas les chiffres exacts. Tu vas prolonger? Ouais, sûrement, ouais, à moins que je le vende. Mais c'est ça, c'est que ça va être dur à vendre si j'ai pas la pièce changée, tu sais. Je peux pas vendre un ordinateur comme ça. Non, mais là, ça va se faire, là. Ouais, ça va se faire dans les prochains jours, c'est clair. Et puis après ça, tu vas être bien correct, j'espère. Mais c'est ça, c'est que changer la Logic Board, qui est vraiment la grosse carte sur quoi tout est branché, c'est que la personne qui va le faire va devoir tout enlever, chacune des pièces. Bon, tu sais, carte vidéo, carte audio, je sais pas, USB, n'importe quoi. Tout déconnecté. Tout déconnecté, remettre dedans, puis il dit que c'est une job de plusieurs jours, là, pour un employé. Hein. Faut que ça remonte correct aussi. Hein? Oui, c'est ça, bien le remonter. Il faut de l'expérience parce que chez Apple Care, je sais que les termes deviennent mélangés, mais chez Apple Care, par téléphone, on m'a dit que les gens dans les magasins qui sont revendeurs autorisés d'Apple sont aussi formés que les gens dans un Apple Store. Donc, ont les mêmes connaissances, donc devraient être capables. Mais moi, ce que je pense faire, c'est appeler les deux places, leur demander « Avez-vous déjà changé une Logic Board et comment ça a été? » La bonne réponse sera « Oui, j'ai déjà fait des millions de fois et ça a bien été. » Et là, j'irai là. Ouais. Si les deux disent « Ben, écoute, on a déjà fait, ça arrive pas souvent. » Puis là, des fois, il y a des problèmes. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Je vais retourner à Montréal, je pense. Ouais, je pense que j'aurai pas le choix. Des fois, faut se pencher devant la réalité et la recevoir. Ouais, belle image, hein? C'est bien de mes aventures pour cette semaine. Je vous tiendrai au courant. Aussitôt que ça a changé, et puis après ça, ben, je vous dirai, crime, la vie est belle, puis ça m'a coûté rien. Parce que c'est ça la beauté de la chose. Au moins, ça coûte rien. Quelqu'un qui n'aurait pas pris Apple Care, mettons quelqu'un qui a acheté un ordinateur usagé sans Apple Care, parfait, fine, vous avez payé moins cher, bravo. Mais après ça, plus tard, quand vous allez avoir peut-être potentiellement, ça pourrait arriver, un problème, on sait jamais, hein, c'est beaucoup de suppositions. Ben là, vous allez comme devoir payer le prix ou ben encore une fois, vous pencher et en acheter un autre. Moi, je t'avoue, Mathieu, hein, écoute, je t'ai vu avec. Je t'ai vu avoir une couple de problèmes. Uh-huh. Et puis, j'ai peut-être une idée de m'acheter un Mac, mais. C'est fini, ça. Et, mais en tout cas, pour l'instant, écoute. Tu remets ça plus tard pour. Une fois que les problèmes sont réglés, c'est ça. Mais. Ben, moi, je vais te dire ma façon de penser par rapport aux gens qui disent ça à cause des problèmes comme ça. Je vois parfaitement d'où tu viens. Par contre, moi, avec les problèmes que j'ai eu, les problèmes majeurs, là, la carte mère, entre guillemets, et un disque dur à un moment donné, je reviendrai même pas en arrière parce que je trouve que la machine est tellement excellente, le système d'exploitation est magnifique, la façon de faire est parfaite. Je reviendrai jamais, jamais, jamais, jamais en arrière. Et puis, de l'autre côté, je dirais aussi qu'un PC. Oui, OK, peut-être que tu as moins de problèmes majeurs, tu sais, mais tu te fais gosser pendant toute la journée avec des cossins qui ça roule pas droit, c'est clunky, je trouve moi personnellement. Ouais. T'as jamais de problème, tu trouves pas il y a des lenteurs, faut que tu cliques comme ouais, fois, ben ça dépend aussi ce que t'achètes aussi, tu sais. Ouais. En même temps pour le prix ouais, c'est ça qui me gosse parce que c'est excessivement cher un Mac. Ouais, excessivement cher. Ouais, mais par contre, chaque pièce est de la qualité par exemple. D'habitude. Quand fonctionne. Okay, ben c'est ça, la plupart du temps. Puis encore une fois, tu sais, s'il y a 1%, mettons, de gens qui marchent mal, ben c'est 1% d'un plus gros chiffre qu'avant. Donc ça se peut que moi, je suis un gars pas chanceux dans la vie. Ah ben ouais, peu importe le produit que j'appelle, faut que j'aille le faire rembourser dans la semaine, tu sais, c'est sûr. Je tombe tout le temps sur le mode. Tout le temps. Dis à ta blonde qu'elle l'achète d'abord. C'est ça. Ça va peut-être régler le problème. Ah, Colin, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est une super machine. Je suis très, très content d'avoir acheté ce que j'ai acheté. Puis encore une fois, c'est ça. C'est des fois, ça arrive à tout le monde dans pas mal chaque produit que tu peux acheter. Ça peut arriver que ta TV ait un gros point, un gros pixel rouge dedans. C'est sûr. Tu n'iras pas la faire rembourser pour autant. Tu vas faire avec. C'est sûr. Mais quand tu t'achètes deux TV de la même marque, qui font tout bien. Ouais. Tu vas peut-être changer de marque. Je dis pas que t'as tort là-dessus. C'était la chronique CNX pour aujourd'hui. Oui, chronique CNX de moins en moins présente, mais quand elle est là, elle se met à chialer. Puis on commence à trouver un petit peu bête des fois. Hein? Ça fait du bien. Je chialerai encore un petit peu sur un autre sujet un petit peu moins geek plus tard dans l'émission. Mais pour l'instant, on va retourner en musique et François me fournit un CD à travers. C'est ça, c'est comme en prison et on a comme une fente. C'est pas vrai du tout. Vince Val. Hey, Vince Val. Vincenzo Valieres. Ouais, Vincent Vallière, qui n'a pas gagné hier à la disque. Mais écoute, non, c'est ça, je vais te revenir là-dessus. OK, après ça, on va parler de la disque. Ouais, mon tour de chialer un peu. OK. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait entendre, Mathieu? La première, le monde tourne fort. Ah, ben, Colin, quel succès. Hein? Pourquoi pas? Bon, cet assemblage requis jusqu'à 9h. Ah, c'est fou 89.fr. T'es parti avec une partie de moi qui me manque vraiment. T'es parti et depuis, je me demande, je vais continuer comment. C'est correct, tu t'es menti, je me suis menti aussi. Tout ça, c'est-tu passé, pourtant je reste là accroché. «

Damien Robitaille est homme autonome à Assemblage Requis, ici à CFOU 89.1 FM. C'est l'émission qu'on construit à partir de matériaux de qualité. Et ce, à chaque matin. Oui, lundi au jeudi, c'est cuit à la perfection, al dente. Écoute, Mathieu, on fait un petit exercice, OK, présentement. Je vais te dire les gagnants de la disque. Okay. Je vais te dire aussi ceux qui étaient en nomination. Tu me dis si, d'après toi, c'est un bon choix ou non. Et puis, peut-être que là, il va se partir une petite discussion. Gros débat. Peut-être pas, parce qu'il y a des catégories, en fait, là, que... On connaît pas les artistes nous-mêmes. Ben, ça nous rejoint un peu moins, ça. Okay. Donc, spectacle d'année, interprète, et c'est 12 hommes rapaillés. Artistes okay. variés, en fait, qui ont gagné. Ceux qui étaient en nomination, il y a aussi Les Belles Sœurs, Galant, tu perds ton temps, Donner pour donner, Marie-Ève Janvier, Jean-François Brault, et, wow. et Pour que tu m'aimes, Ginette Renaud. Donc, okay. En fait, je pense que c'est un bon choix. Oui, ça a l'air à ça. Oui, oui, oui, tout à fait. Donc, si on saute à l'autre... L'autre catégorie, spectacle de l'année, auteur-compositeur-interprète. Donc là, leur gagnant est Yann Perrault. OK. Très bon, Yann Perrault. Oui. J'adore Yann Perrault. En nomination, il y avait Marie-Pierre Arthur. Je sais que ça a joué beaucoup ici. Oui, ça aurait pu être. Cœur de pirate. Elle qui a fait une controverse avec Manu Militari. Oui. Mais, en tout cas, hein? Elle aurait pu se la faire. C'est ça, on a déjà parlé, mais ouais. Oui, c'est ça, exactement. Luc Larochelière aussi. Damien Robitaille qu'on vient d'entendre. Oui. Et Vincent Vallière. Donc, Yann Perrault. Je considère pas ça comme un mauvais choix. Yann Perrault est très efficace dans son domaine. Très bonne pièce, blablabla. Bla, bla. Mm-hmm. Bon auteur-compositeur. Donc, jusque-là, ça va bien. Pas de problème. Révélation de l'année. Bernard Adamus, qui a gagné. C'est très le fun, en fait. C'est bien pour lui. Moi, oui. J'apprécie pas particulièrement ce style de musique, mais je comprends. J'aime ça. Il y avait Chinatown, il y avait Galant, tu perds ton temps, Marc Hervieux et Maxime Landry. Bon, heureusement, ce n'est pas Maxime Landry qui a gagné. Chance. Ah oui, tout à fait. Et c'est Bernard Adamus. Bernard Adamus, en fait, tu me feras penser, à la fin de ma chronique, on va avoir des paires de billets à faire tirer. Pour le spectacle qui va se dérouler. Juste une seconde, en fait, là, je ne l'ai pas. Je ne retiendrai jamais ça, de toute façon. Va se dérouler à Shawinigan le 11 novembre à la salle Philippe Fillon à Shawinigan. Donc, bref, tu me rappelles. C'est jeudi, ça, je pense. Oui, c'est ça, exactement. Donc, Bernard Adamus qui a gagné Révélation de l'année. L'interprète masculin de l'année, c'est là que ça se gâche un peu. Hein. Le gagnant, Maxime Landry, non, mais tabarnak. Ah, ouais. Calme. Tandis qu'en nomination, il y avait Jean-Pierre Ferland, Fred Pellerin, Yann Perrault et Vincent Vallière. Okay. Non, mais on s'entend-tu pour dire que toutes les autres peuvent gagner, sauf n'importe qui. N'importe qui sauf lui, non, mais crime. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'il a inventé cet homme? Qu'est-ce qu'il a amené dans le paysage musical? L'as-tu écouté, François? Non, j'ai pas écouté, mais je suis pas capable de l'écouter. Mais je peux pas défendre ça, j'essaye, mais je suis pas capable. En plus, c'est un académicien, donc raison de plus, tu sais, pour. Sacrifice. Moi, ça me fait capoter. Quand je pense à Vincent Vallière. Yann Perrault qui a gagné. Du monde qui se donne, puis tu sais, ils font Pellerin, vraiment du bon Fred travail. Fred Pellerin qui détend, là, qui est vraiment pas populaire, mais je pense que c'est ça de l'art, tu sais. Exactement, c'est ça de l'art, ça, c'est exactement, c'est bien dit, ça. Mais ce n'est pas Maxime Landry, donc très, très grosse déception aussi. Tandis que l'interprète féminine de l'année, c'est une académicienne aussi. OK. Mais je peux comprendre, elle, Marie-Mé, dans le sens qu'elle... Elle a du succès à tonne, c'est sûr, oui. Beaucoup de succès, mais elle a comme son créneau aussi. Oui, elle s'est choisie comme une niche de ce qu'il n'y avait pas au Québec avant. Écoute, je te dis pas que j'aime ça, mais je considère que ça, à la limite, je peux comprendre. C'est t'sais. Pas du copiage en tant que tel. Exactement. Ouais. Exactement. Je peux comprendre. En nomination aussi, il y avait Cœur de pirate, Isabelle Boulay, Ariane Moffat et Ginette Renaud. OK. Donc, il n'y avait pas grand chose d'alternatif ouais, c'est ça. Là-dedans. Hein? C'est ça, exactement. Ça tournait autour de ça. Ariane Moffat est le plus proche. T'sais. Ouais, mais Cœur de pirate a quand même joué beaucoup ouais, ici. Une chanson. Ouais, pas plus. Ouais, non, pas tant que ça. Ça a commencé à pogner assez rapidement, ce Cœur de pirate. Ouais, hein, ouais tout à fait. Ouais. Groupe de l'année, ça m'a surpris aussi. Mes aïeux. Ah oui? Moi okay. qui a remporté. En nomination, il y avait les Cowboys Fringants, très bon groupe. Uh-huh. Trois Accords, ouais, aussi. Très bon groupe aussi. Carquois, The Lost Fingers. Et puis, je comprends pas, mes aïeux, mais on dirait qu'on les a pas entendus vraiment. On entend encore les mêmes affaires. Que... Ben, c'est ça, exactement. Donc, je peux pas comprendre. Tandis que des groupes comme, exemple, les Cowboys Fringants ou les Trois Accords. Oui, on fait quoi de nouveau cette année? Puis ils roulent beaucoup, tu sais. Ouais. En tout cas, déjà là, encore un peu de comment je pourrais dire? De vieilles gardes, on dirait, qui votent pour ces affaires-là, tu trouves pas? Ouais, ouais, non? C'est ça. Ouais, exactement. Exactement. Et puis, écoute, chanson populaire de l'année. Et qui ne gagne pas, tu penses? Je sais pas. Maxime Landry encore. Ah, quand même. Ah ouais, tout j'aurais à fait. Dû m'y attendre. Tandis qu'il y avait Daniel Blanger, Isabelle Boulay, William Delaurier, c'est aussi un autre académicien. Ouais. Dumas. Dumas aussi qui a été quand même mis de côté cette année. Dumas, bon artiste, j'aime bien. Marie-Ève Janvier, Jean-François Brault qui est en nomination aussi. Les Trois Accords, Marie-Mé, Kevin Parent et Vincent Vallière aussi. Il est partout, lui. Ouais. Mais je peux pas comprendre. Ouais. En tout cas, chanson de l'année, ça doit être chanson populaire de l'année, excusez-moi. Ça doit être celle qui a tourné le plus dans les radios commerciales. Ouais. J'imagine. Mais c'est loin d'être représentatif. Je sais pas, la disque, je trouve l'utilité de ça. Je comprends les prix, je comprends que ça peut aider des artistes, mais c'est ça, c'est que ça aide des artistes qui n'ont pas nécessairement besoin d'aide. Ben, mais lui, ça en aide qui ont besoin non, aussi. Non. Puis en plus, c'est ça, c'est dire à la population, ben je pense, là. En fait, je veux pas non plus chialer juste pour chialer, là, comme, ouais. Comme on pourrait peut-être en croire. Là, comme en, on fera plus tard dans l'émission. Non, là. C'est ça, exactement. Non, mais je peux pas croire que les gens de l'industrie disent « Waouh, c'est ça qui... c'est ça. » À la limite, ce qu'ils disent à la population, c'est ça qui est bon. Ouais. C'est ça qu'on veut. C'est ça qui rayonne dans le reste de la francophonie. C'est, comme ça. Le... c'est ça qu'on est. C'est, ça me fait capoter. Ça mais en même temps, je pense qu'ils donnent aux gens ce qu'ils veulent. Genre le public qui regarde la disque en tant que tel, peut-être qu'il s'attend à ce que Maxime Landry gagne dans ces catégories-là. Mais parce qu'il est donc beau et donc fin, il y a des beaux cardigans. Ouais, non, dans cette optique-là, peut-être, mais je considère pas que les gens qui écoutent la disque aime Maxime Landry. Tu penses pas? Je pense pas, non, sincèrement. Ouais. Je pense plus que le monde qui aime Maxime Landry écoute Occupation Double en même temps sur l'autre poste. Ah, c'est vrai, mais peut-être justement que c'était quoi Radio-Canada qui voulait compétitionner avec Occupation Double avec ce gars-là? Ouais. Et peut-être que... peut-être, mais en même temps... Ben, c'est qui le public de la disque? C'est les battantes, non? On se cachera pas? Ouais, la population... Ben, la disque, à la limite, c'est moi plutôt aussi inclus. Aussi, oui, mais moins. T'sais. On n'est pas souvent, de nos jours, rivés tant que ça devant des galas. Non. Peut-être? Non, moins ça. Qu'avant. Mais la disque, moi, ça m'intéressait dans le sens que... c'est quand même... C'est la musique, tu sais, puis... Dans le milieu aussi. Mais l'autre gala de la disque est plus pour nous autres. Oui, non, tout à fait. Puis il est à Musique Plus tout aussi, il n'est pas à Radio-Canada. Non, c'est ça, exactement. Mais, en tout cas, ce que je trouvais bizarre aussi. Ouais, mais c'est ça. Moi, c'est que ça m'offusque pas vraiment de voir ça. C'est comme, bah, eh ben... Tu sais, non? Mais je trouve ça plate qu'on est rendu là. Oui, c'est plate. On est-tu rendu là ou est-ce qu'on est là depuis un bout, là? Oh non, on est là depuis un bout, bon point. Mais je constate aussi... Tu sais, l'avènement aussi, la montée d'Internet, ces trucs-là, les médias aussi, je considère de moins en moins que Maxime Landry a sa place. Exact. C'est ça. Donc, mais c'est peut-être dans les seuls... Mais ça me fâchait. Pour vrai, je changeais de poste quand je voyais que Trim gagnait. Moi, j'en ai rien avant. Je suis bien d'accord avec toi. Mais justement, Maxime Landry est peut-être un des gens de la... Je vais dire, entre guillemets ici, nouvelle scène musicale, OK? Mettons, parce que c'est récent, son succès à Star Academy, mettons. Mais il est apprécié par les gens de l'ancienne génération musicale. Donc, c'est peut-être un des seuls qui va réussir à vendre des CD dans un magasin grande surface. Alors que les autres qui sont de plus en plus populaires chez les jeunes vont être de moins en moins vendus sur CD, de plus en plus sur Internet. Mais, donc, mais dans ce cas, pourquoi on fait pas une catégorie meilleur vendeur? Ben oui. Mais oui. Mais pas... tu sais, ils enlèvent des catégories. C'est quoi? C'est eux autres la disque? Pas interprète masculin de l'année. Ouais. Non, mais... C'est la disque qui a enlevé la catégorie musique électronique parce qu'elle a franchi d'affaires. Ouais, l'autre gala. L'autre gala, ça... Ouais, l'autre ça, gala, ouais. Tu sais, la disque puis l'autre gala, c'est dans le fond le même gala, mais c'est séparé en deux. Ouais. Ah... C'est frustrant. Tout à fait. Et puis, écoute, je vais finir parce qu'on a commencé. Auteur-compositeur de l'année, Luc La Rochelière, Les Trois Accords. Luc La Rochelière qui a gagné, excusez-moi, est en nomination aussi, Les Trois Accords, Morin, Radio-Radio, Damien Robitaille. Album de l'année, Rock. Qu'est-ce qu'il a gagné? Marie-Mé. En nomination, il y avait Xavier Caffeine, Les Trois Accords, Marjo et Les Vulgaires Machins. Donc, ça aussi, c'est un peu rigolo. Album de l'année pop rock, Daniel Bélanger qui a gagné, comparativement ceux qui étaient en nomination. Chinatown que t'aimes bien, vraiment. J'adore ça. Ouais, c'est ça. Dumas. Moi, je pensais que ça allait être peut-être Dumas ou Vincent Vallière. Vincent Vallière aussi qui était en nomination, qui a rien gagné. Et Wilfred Leboutillier. Hey, Willy Boy. Ouais, heureusement, ça n'est pas lui non plus qui l'a gagné. Et puis, album de l'année, folk contemporain, le gagnant, un gars du coin ici, Fred Pellerin, il est en nomination aussi, Bernard Adamus, Luc La Rochelière, Damien Robitaille et Gilles Vigneault. Donc, ça fait un peu le tour pour le gala de la disque. On rappelle aussi qu'on a une paire de billets, plus qu'une paire de billets, pour Bernard Adamus qui va se dérouler le 11 novembre à la salle Philippe Filion, du côté de Shawinigan. Donc, vous pouvez nous appeler, 819-376-1111. 819-379-5183. Oui, et puis nous, dans les prochaines secondes, aussitôt que la pièce musicale part, donc 819-376-5183, ne vous faites pas d'Amile Pion. D'Amile Pion. D'Amile Pion. D'Amile. J'ai bien aimé. Ah, mais malgré que j'ai bien aimé le travail de Louis José. Ah oui? C'était divertissant. Ah. Voici le couleur. Pauvre Claude Dubois, il pensait que ça allait ramener sa carrière sur la traque, ça. Mais... Que voulez-vous? Non! Quand on prend des mauvaises décisions, ça en fait partie. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On se retrouve tout à l'heure avec une deuxième heure et on va avoir la chronique d'Alex Delage, sortie des Boulamites. Ben oui, on va aussi avoir Stéphanie Gagné et Take Me Out avec ses sorties spectacles. Non? Par téléphone. Par téléphone. Par téléphone. Chose. C'est un fait. C'est un fait. Avec Mathieu, alias le plantureux. Le plantureux, Mathieu Plante. Ouais. Ah, tu me flattes dans le sens du poil. C'est beau. C'est beau. Ma barbe. Ouais. J'avais pas fait de commentaires aujourd'hui. Je trouve que t'as opté pour le style vraiment douchebag. Ouais. Ouais. C'était le but. Ouais. C'est ça. J'aime ça. C'est carré, Matt. On continue le mois de novembre, le Movember, et on en parlera peut-être, je sais pas si on va faire ça aujourd'hui, peut-être demain, un peu résumé de la semaine passée du Movember. Ben oui. On verra. Demain, il y a une grosse journée. Hein. Mercredi? Ouais, ça pourrait être bien. C'est peut-être mercredi. Mais restez là, puis écoutez-nous entre 7h et 9h, il n'y a pas de raison de pas être là. Hein? Non. C'est fou ça, 89.1. Assemblage Requis est une présentation de la Banque Nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Bon, retour sur la deuxième heure d'Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées du CF François-Olivier Marchand. Oui, c'est Mathieu Plante. Bonjour les requins. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. Ça va mieux. Oui. Ça va mieux que... Que tantôt. À cause de Maxime Landry. Oui, exactement. Ça en fait, parce qu'il est plus tard aussi, et je suis un peu plus réveillé. Ah, d'accord. Tout à l'heure, on va voir Alexandre Delage avec sa chronique Boulamite. Hein? Ça va être bon, ça! Il va nous parler de vieux groupes de musique qui ont eu des One Hit Wonder. Ça va être tout à l'heure dans Boulamite. Aussi, c'est un fait qui s'en vient. Et puis, qui d'autre? Stéphanie Gagné à 8h30 avec sa chronique Take Me Out. Pour l'instant, on écoute un classique de Dr. Dog, classique du palmarès. Dr. Dog? Oui, voici Stranger. C'est fou. 89 FM. Hey, on a un concours pour vous. Gagnez des jujubes. On vous donne 25 cents. Non, peut-être qu'on pourrait aller plus haut. Une pièce de jujubes. Si vous devenez fan de C'est Fou sur Facebook. Bonne idée. Hey, mais sinon, on a une paire de billets aussi pour Bernard Adamus. Damien Rebutal, là? Bernard Adamus. Bernard Adamus? Ouais. OK. Ah oui? D'accord. 819-376-5183. Dr. Dog et la pièce Stranger, assemblage requis sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Maintenant, comme à tous les lundis, une semaine sur deux, hein, il y a comme une bascule, ils se font la bascule, Audrey Tremblay puis lui? Oui, exactement. Audrey Tremblay, elle vient nous rencontrer quand le Zone Campus sort en kiosque. Alors que l'autre semaine, c'est Alexandre Delage de l'émission Les Lutins de l'Enfer qui nous présente sa chronique Boulamite. Cette semaine, au Boulamite, une montée de lait. Je me suis préparé pour les chroniques durant l'été, puis j'avais mis de côté un groupe, et puis le groupe, finalement, s'est sorti lui-même des Boulamites et a sorti un nouvel album cette année. Je parle de Filter. Dans le fond, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de ce groupe-là. Ils ont connu un succès avec la pièce « Amen, I Shot » sur leur premier album « Short Bus » en 95. Et puis, ils ont connu un bon succès commercial aussi avec « Take a Picture » qui était sorti sur l'album « Title of Record ». Alors, je vais de sortir deux vieilles pièces de Filter. Bon, on va entendre vraiment leur premier One Hit Wonder sorti en 95, « Amen, I Shot ». Et puis, on va entendre une pièce qui était sur la trame sonore de « Spawn ». Une pièce de Filter et de Crystal Method. Ça, c'est sorti en 97. La pièce s'appelle Trip Like I Do. La trame sonore de Spawn, dans le fond, c'est un paquet de collaborations entre des groupes qui ont plus ou moins rapport entre eux. Là-dessus, vous pouvez trouver, exemple, une pièce de Marilyn Manson avec les Sneaker Pimps, qui sont un groupe de musique trip-hop. Et puis là-dessus, on voit aussi que Filter et Crystal Method, pas tout à fait dans le même genre, mais ça donne quelque chose de quand même très, très bon. Fait qu'on va entendre tout ça, dans le fond, deux pièces de Filter. À Assemblage requis. I wish I would've. Filter and the Crystal Method sur la trame sonore de Spawn. C'était la pièce Can't You Trip Like I Do, précédée de Filter avec Hey Man, Nice Shot. Donc, un beau petit bloc Filter de la part d'Alex Delage. Oui, merci. Il est fin. Ben oui, il est fin. Puis il anime bien en plus. Puis il nous envoie ça comme ça, là. Oui. Comme ça, par les internets. Par les internets, c'est très apprécié. Très bonne chronique. Ouais, il est pas en direct, juste pour ceux qui n'auraient pas remarqué. Ouais, c'est pour non, ceux qu'on non, lui parle ça, pas. On n'est pas juste bête comme il arrive non. dans le studio, il fait sa chronique, puis on lui parle pas. Non, non, non. En tout cas, Alex Delage, Boulamite, de retour dans deux semaines, comme toujours. Hein? Et je ne chanterai plus sur sa chanson thème, mais je la trouve très accrocheuse. François-Olivier Marchand. Mathieu Plante. Toujours Assemblage Requis. Il nous reste une quarantaine de minutes ensemble. Tout à l'heure, on va faire des faits dans la chronique C'est un fait, n'est-ce pas? Oui. T'as pas l'air sûr. Ben oui, certainement. Mais pour l'instant, on écoute une autre pièce que j'aime beaucoup de Polype, cette fois-ci. Polype. Et je réalise à chaque fois que je le dis que petit ça sert... polisson. Hein? Petit polisson. Petit polisson. Je réalise à chaque fois que je dis que c'est une pièce que j'aime, que c'est normal, c'est nous autres qui animent l'émission. Toujours bon ce qu'on fait jouer, tu sais. C'est rare qu'on choisisse des affaires moyennes. Exactement. Donc, Polype, Prince, Citron, tout de suite. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de Banque Nationale. Cause Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées avec Info et Mathieu. C'est Assemblage requis jusqu'à 9h. C'est fou! Oh oui, il nous reste environ une demi-heure à Assemblage requis ici au 89.1 FM, hein, François-Olivier? Tout à fait, Mathieu Blanc. Ben, Colin, toi. Je trouve ça le fun que tu le précises. Ben, moi aussi. Sais-tu qui aime la précision? Pas Stéphanie Gagné. Lien douteux à chaque fois, ça n'a même pas de sens. Alors, tout de suite, voici la chronique de Stéphanie Gagné, Take Me Out. Take me out! C'est un bistouri, cette Stéphanie Gagné. Pourquoi? Parce que sa chronique, ton plat favori, il y a les paroles de bistouri, blablabla, hein, c'est vrai ça? Tout à fait. Le sens sur ton bistouri, nanana. Censure ton bistouri. Ouais, oh. Sauf que c'est Mathieu Plante qui l'a dit. Ouais, c'est assez louche. Mais aujourd'hui, c'est pas ton plat favori, c'est Take Me Out. On parle des sorties spectacles qu'il y a à faire en région et ailleurs cette semaine, n'est-ce pas? Oui, et cette semaine, j'ai surtout pas mal d'artistes québécois, en fait, tout sauf un. Hein. Donc, on va commencer. J'ai le 8, donc qui est ce soir. Oui, ce soir, le 8, Le Couleur qui va être à l'Escogriffe. Ensuite, demain, en région, il va y avoir Pépé et sa guitare qui va être au Gambrinus. Le 10, il y a trois spectacles assez intéressants. Il y a Bernard Adamus qui va être du côté du Club Soda, Danny Placard à l'Escogriffe et côté Trois-Rivières, Bartonfic avec Atomic Baobab au Gambrinus. Le 11, Gaël qui va être au Lion d'Or et Bernard Adamus qui va être en région, il va être au Centre des Arts de Shawinigan. Ensuite, le 12, c'est mon seul spectacle de la semaine qui n'est pas québécois, c'est Mumford & Sons au National. Et le 13, Alex Nevsky, qu'on aime beaucoup, qui va être au cabaret juste pour rire. C'est tout. Wow. Hey, merci, c'est Steph. Tout. Comme ça, écoute, tu vas pouvoir te coucher. Ben, je sais pas si c'était pour ça, en fait, que le téléphone ce matin. Ben, c'était plus une question de voyagement, de faire 15 minutes de radio et une demi-heure d'auto. C'était plus pour ça. Ouais, on le comprend, tu sais. Ah oui, tout à fait. Tu fais ça quand tu veux, malgré le super délai qui fait qu'on se pile par-dessus, mais on aime bien ça. Alors, pas de problème. Pas génial. Alors, on va aller écouter une pièce d'Alex Nevsky qui va être en spectacle, justement. Quelle pièce choisis-tu? Moi, j'aimerais bien sous les stroboscopes pour faire changement. Carine, hein? Vas-y. Hey, c'est désagréable, le téléphone. On n'aime pas ça. Non. Bon, ben, on va se voir demain. Merci, Steph. Demain, ton plat favori, tu ne donnes pas d'indice ou rien, hein? Non, pas du tout. Caroline, qui était sympathique. Bonne journée, Steph. Bye. Bye. Salut. On écoute Alex Nevsky, hein? Mais juste avant, on rappelle, on a les par les billets à faire tirer pour Bernard Adamus. Bernard Adamus, 819-376-5183. On attend vos appels en écoutant Alex Nevsky et sous les stroboscopes. Merci encore à Stéphanie Gagné, qu'on retrouve demain à ton plat favori. Nos vies dansent sous les stroboscopes, remplir nos têtes de n'oubli, dansent sous les stroboscopes. Faut se rendre à l'évidence sous les stroboscopes. Petite nuit et obimance sous les stroboscopes. Plutôt l'excès que l'abstinence sous les stroboscopes. Abattant finesse et finance sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de n'oubli, dansent sous les stroboscopes. Plus d'incidence que de science sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Nos vies dansent sous les stroboscopes. Totalement libre sans qu'on y pense sous les stroboscopes. Ni mensonge ni manigance sous les stroboscopes. Chacun sourit si son lit danse sous les stroboscopes. Dans nos têtes la délivrance sous les stroboscopes. Entre exutoire et obligeance sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de n'oubli dans sous les stroboscopes. Ah oui c'est sûr que nos vies dansent sous les stroboscopes. Dance sous les stroboscopes. Black white, black white, black white, black white. Everything seems so fun until you turn on the lights. Do you get inspired by nights? You can't play back at the bar. The facts your best friend lays down of how people react. You gotta learn to close your eyes and turn the page. Take a step forward and dispose of yesterday. So do me a favor, take notes and cut the ropes. Welcome to living life under the stroboscope. Nos envies dansent sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de n'oubli. Remplir nos têtes de n'oubli. Sous les stroboscopes, abattant finesse et finance sous les stroboscopes, tous tirant dans la tyrance sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Face to face. Dans sous les stroboscopes. Until you ride the slope. Dans sous les stroboscopes. Say what? Allez dans. Dance sous les stroboscopes. Dance sous les stroboscopes. Dance sous les stroboscopes. Dance sous les stroboscopes. Alex Nevsky, la pièce Sous les stroboscopes dans la chronique Take Me Out de Stéphanie Gagné sur les sorties spectacles. Tout à fait. Tout à fait. François-Olivier Marchand? Tout à fait. Mathieu Plante? Tout à fait. On dit souvent nos noms, hein? Tout à fait. Chacun notre nom. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. On va parler de faits divers dans la chronique C'est un fait maintenant. Tout à fait. Ah! Oh! Viens la comprendre. À la Mathieu Plante. C'était efficace. La chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Hey, j'ai dit dans l'ordre cette fois-ci, c'est rare. C'est bizarre, ouais. Véridiques, véritables et vérifiables, ça sonne tellement mieux dans cet ordre-là, tu trouves pas? Mais c'est moins, c'est plus difficile à dire, je pense. Ouais, non? C'est ça. Faut juste le retenir. Ouais. Donc, on vous raconte des choses que vous allez pouvoir propager à vos amis. Peut-être que vous avez, je sais pas, des amis. Ça se pourrait. Peut-être, écoute. Je vous le souhaite. Commençons par les pommes qui flottent dans l'eau. Tu sais que les pommes flottent dans l'eau, il y a un jeu avec ça, c'est qu'il faut attraper des pommes avec ses dents, etc. Tu connais ça? Ouais, j'ai déjà vu ça. Ça te dit vaguement quelque chose. Sais-tu pourquoi est-ce que les pommes flottent dans l'eau? Je sais pas. Elles sont composées de 25% d'air. Ah ouais? Moi, je savais pas ça. Non, moi non plus. 25% d'air. Moi non plus. C'est quand même intéressant. Ouais. Sais-tu que dépendant de la grandeur et du type de condom qu'on utilise, donc soit lubrifié, non lubrifié, mince, régulier, standard, magnum, je sais pas pourquoi ils précisent régulier et standard... comme si c'était deux grandeurs différentes. Mais bon, un condom peut soutenir jusqu'à 2 gallons et demi. Non, entre 2 gallons et demi et 7 gallons de liquide. On va mettre ça en perspective. L'éjaculation moyenne produit environ une demi-once de liquide. Donc, à 128 onces par gallon, on peut aller jusqu'à 7 gallons de liquide dans un condom. Donc, le plus grand condom peut tenir jusqu'à 1792 fois le liquide qu'il a besoin de soutenir. C'est quand même pas pire. C'est résistant. Et voilà, ça a été découvert ça, dans une expérience qu'on peut faire à la maison. Donc, voyez les instructions sur assemblagerequis.com, le lien est là. Sais-tu que la plupart des requins... Attends un peu. Ah non, je peux pas le rouvrir. Que la plupart des requins ne peuvent pas arrêter de bouger. Ils ont besoin d'avancer pour faire entrer l'eau dans leur bouche. Ça va être ça? Sinon, non. Ils m'ont suffoqué. Non. Certains requins peuvent aller jusqu'à 20 000 à l'heure et peuvent sauter plus de 20 pieds dans les airs au-dessus de l'eau. 20 pieds au-dessus de l'eau. C'est quand même bien. Ils peuvent avancer très rapidement, mais ils ne peuvent pas arrêter rapidement et ils peuvent pas reculer. Les requins ne peuvent pas reculer sur leurs pas. Ça va les faire mourir, je sais pas trop. Ah. Il y a des faits sur assemblagerequis.com encore une fois. Il y a tellement de trous noirs dans l'univers que les compter serait comme essayer de compter les grains de sable sur une plage. Une étoile sur 1000 est assez grosse pour potentiellement devenir un trou noir, mais les humains ont identifié seulement environ une douzaine. Et le trou noir le plus près est à 1600 années-lumière de la Terre. Ah, c'est bizarre ça. C'est, en même temps, on est tellement petit. Là, oui. C'est l'enfer. Ça montre comment la vie est pas si grave que ça, fait qu'il faut pas s'en faire. Yeah! Positif. Ah non, mais c'est fallu, toi. Non, fallu. Quelle mauvaise philosophie de... Bon. Hey, wake up, la graine! Non, c'est une blague. Ouais, c'est ça. Colin, je suis triste, mon site ne veut pas me donner mes affaires comme il faut. Je vais sauter un autre fait. Ah, c'est pas grave, on s'en fout. Mais on dit quand même que les Britanniques boivent 60,2 milliards de tasses de thé par année. 62? 60,2. Ah, 60,2. 62,3, non, 60,2. Écoute-moi, 60,2. Milliards de tasses de thé. Par contre, ils boivent beaucoup moins de café que nous, hein, par comparaison. Seulement 70 millions de tasses de café. Les Britanniques sont aussi pas des fanatiques du thé en petites feuilles qu'on doit faire dans une petite, tu sais, la petite boule, le genre de bon. À la place, ils préfèrent. 96% des gens boivent leur thé directement dans une poche de thé, trempée dans la tasse. T'sais, parce qu'il y en a qui font ça avec le petit truc, puis les feuilles de thé, c'est compliqué, ça. Trop de job. Tout à fait. Trop de job. Connais-tu le syndrome de réponse? Tu te rappelles, je sais pas si t'as vu les panneaux en ce moment, partout en ville, on annonce le film Réponse Rapunzel. Non. C'est le conte pour enfants avec les cheveux qui descendent d'une tour. Tu te rappelles pas de ce conte-là? Non. C'est ça au Québec, c'est moins connu. J'ai l'impression qu'il y a personne qui sait c'est qui Réponse. Mais c'est son nom en français, non. Rapunzel. Bref, le syndrome de Rapunzel, qui est on va l'appeler comme ça, qui est une condition médicale rare qui vient après avoir mangé ses propres cheveux. C'est des gens qui sont atteints de trichophagie. C'est ceux qui mangent leurs propres bizarre. Cheveux. Très étrange. Donc, ils consomment, c'est ça, leurs propres poils et différents cheveux. Les cheveux forment une boule de poils dans l'estomac. Et cette boule de poils-là cause des nausées et du vomissement. Malaise gastrique. Malaise gastrique, exactement. Vu que les cheveux sont incomestibles, comment tu dis ça? Pas comestibles, mettons. Ça se mange pas. Typiquement, ça reste dans le ventre jusqu'à temps qu'une chirurgie vienne enlever cette boule de poils-là pour les gens qui ont ce syndrome-là. Mais c'est comme les chats. Ouais. C'est comme les chats. C'est le même principe. En effet. C'est triste, ça. Vraiment. Ouais. C'est non digérable. Ouais, non digérable, bonne façon de dire. Si tu vis dans la ville japonaise de Isesaki, tu dois raser ta barbe pour avoir un travail, un emploi dans le service public. Dans les services publics. T'as pas le choix. Pas le choix. Comme nous, on pourrait pas participer au Movember comme on le fait en ce moment. En se laissant pousser la moustache, toi aussi, ça commence à pousser, pas mal. Oh, ouais, ça. Tranquillement, mais sûrement. T'as pas fait de forme dedans, toi, hein? T'as juste. Non. Ah, je vais arriver cette semaine avec une forme. Moi, je me suis fait une forme de douchebag, mais totale, avec juste une petite ligne sur les côtés. Ah, ouais. Là, c'est vraiment, vraiment laid. J'aime ça. Ben non, c'est pas si pire que ça. Mais en été, ce matin, on dirait que j'étais pas game de t'en parler dans l'auto. Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il sait pas? Est-ce qu'il sait qu'il a fait ça, que ça a l'air de douchebag? Bref, ah, on aime ça. On parlait donc de la ville japonaise de Isesaki où tu dois te raser la barbe ou te faire raser si tu veux. T'as même pas l'air d'avoir une barbe de quelques jours, là, ce qu'on appelle du stubble. Non? C'est juste une petite barbe, là, non, pas du tout. Pas l'air d'une barbe complète, ni de goatee, ni n'importe quel autre type de poil dans la face. Apparemment, des citoyens trouvent que les barbes sont déplaisantes, donc les autorités ont décidé de bannir les barbes. Oui, chez dans les jobs de service public, finalement. Il y a aussi de nouvelles règles, par contre, qui sont un petit peu plus sympathiques, celles-là, qui disent qu'ils ont droit. Ils sont pas obligés de porter des jackets, des blazers, des vestons, cravates. Pas obligé, vestons, cravates. Donc, il y a au moins des règles positives là-dedans. La plus haute place d'où on a lâché un œuf sans le briser était de 700 pieds. Hein? 700 pieds, c'était le 22 août 1994. David Donahue. C'est énorme. Donahue, ouais, qui a réussi cette chose incroyable en lâchant un œuf d'un hélicoptère au-dessus d'un terrain de golf au Royaume-Uni. Le secret pour faire tomber un œuf sans casser est apparemment de bouger à la même vitesse que l'œuf va tomber. Donc, j'imagine que tu descends l'hélicoptère à la même vitesse que l'œuf va tomber quand tu vas le faire tomber en faisant des calculs ou je sais pas trop quoi. Puis bref, ça fait que la chute est moins pénible. Je sais pas trop, je peux pas te dire plus que ça, j'ai aucune. Mais aussi de le faire atterrir sur un terrain de golf, ça doit aider. Hein? Du gazon. Non? Oui. Mais la même vitesse, c'était pas la vitesse plutôt verticale? Ouais, c'est ça, verticale, la même vitesse de descente de l'hélicoptère, donc j'imagine que tu horizontale, excuse. Horizontale, je sais pas, là. Ça se pourrait. Parce que à la limite, si tu descends jusqu'... Je sais pas. Attends, je pense qu'il veut dire que tu dois faire avancer l'œuf à la même vitesse qu'il va chuter vers c'est le bas. C'est ça, okay. Horizontal. Ça a du sens. Ouais, parce que c'est ça. Si tu descends l'hélicoptère aussi vite que l'œuf, chou, en tout cas, ça devient assez compliqué à savoir à quelle hauteur tu l'as droppé aussi. T'as raison, on a élucidé le mystère ici. Ouais. Une vieille unité de masse arabe qui s'appelait le Batman. Une unité de masse. Une unité de masse qui a représenté. Mais qu'est-ce que c'est? Ben, ça a représenté différentes conversions de poids à travers les années, mais originalement, la règle, c'était qu'un Batman valait 7 livres et demi. Okay. C'est un peu comme, tu sais, en Europe, genre au Royaume-Uni, ils utilisent le système de pierre, tu sais, la personne pèse une pierre ou je sais pas trop quoi. Bref, selon la page wiki de DC Comics pour Batman, le héros pèse 210 livres, ce qui voudrait dire qu'il pèse 28 Batman. Un Batman pèse 28 Batman. Y a aussi une ville en Turquie qui s'appelle Batman. En 2008, le maire de Batman a essayé de poursuivre Warner Brothers et le réalisateur de The Dark Knight, Christopher Nolan, pour avoir utilisé le nom Batman sans la permission de la ville. La poursuite n'a pas été entamée, finalement. L'allemand est la seule langue qui demande à ce qu'on mette une majuscule à tous les noms communs. Ah ouais? Je sais pas ça. Ouais, moi non plus. Je connais rien en allemand. Étrange, moi non plus. Le film A Fish Called Wanda a fait qu'un homme est mort de rire. C'était un audiologue danois qui s'appelait Ole Benson qui est allé voir le film au cinéma en 1989 pendant une scène hilarante mettant en vedette John Cleese des Monty Python. Benson a ri si fort que ça lui a fait avoir une attaque cardiaque. Et étrangement, dans Monty Python, l'émission dans laquelle John Cleese jouait, il y avait un sketch où il y avait justement une blague qui faisait mourir les gens. Donc c'est ironique tout ça. Allez voir le sketch d'ailleurs sur Assemblage Rocky. C'est drôle. Ah ben oui, ouais. C'est Monty Python. C'est l'humour britannique. Faut aimer l'humour britannique, c'est pas pour tout le monde. Il y a une ampoule qui a été produite en 1901 qui brille toujours aujourd'hui même. Ça fait 1 million d'heures avec quelques pauses là-dedans. Donc, General Electric, Ripley's Believe It or Not et le Guinness Book of World Records sont tous d'accord que c'est l'ampoule qui a vécu le plus longtemps jusqu'à maintenant de toute l'histoire. On peut la trouver dans une station de pompiers à Livermore, en Californie. Et il y a un Surge Protector, un UPS, là, une affaire qui empêche les affaires de péter au fait quand il y a des éclairs, mettons, genre. Et puis, donc c'est une batterie, une genre de batterie externe qui s'occupe qui maintient la charge pour le temps de fermer les appareils, si on veut. Exactement, c'est très, très bien expliqué. Sais-tu que des morceaux de pain ont déjà été utilisés pour effacer le crayon plomb? Morceaux de pain, là, du pain qu'on mange? Exactement, du pain qu'on mange, parce que l'efface n'avait pas encore été inventée, donc on servait de pain pour effacer. C'est très bien, ouais. On va faire les derniers, là, parce que je veux pas les perdre ici. FGH et JKL sont les seules trois lettres consécutives sur un clavier QWERTY. Ils sont juste une à côté de l'autre. Donc, c'est les seules lettres qui sont une à côté de l'autre sur le clavier, tout en étant dans l'ordre alphabétique. Donc, FGH et puis JKL, c'est seul sur tout un clavier. Hein? Quand même, hein? Ben oui. Et finalement, le Slinky a été inventé par... Il y a OP. On met trois lettres. Ah, trois lettres, ouais. Essaye pas. Non, pas d'autre. Sugar. Le Slinky a été inventé par un ingénieur naval. En 1943, Richard James a découvert ce jouet-là alors qu'il créait un appareil anti-vibration pour les instruments de son bateau. Hein, c'était un ingénieur naval quand même. Donc, accidentellement, il s'est enfargé dans des ressorts et était impressionné parce que ça descendait les tablettes comme un Slinky, comme le mouvement d'un Slinky aujourd'hui. Donc, sa femme Betty est celle qui a trouvé le nom du jouet Slinky. D'autres faits sur les Slinky, ils étaient parmi les premiers jouets à s'être rendus dans l'espace. Pendant la guerre du Vietnam, les soldats lançaient des Slinky dans des arbres. Ils utilisaient comme antenne radio. Donc, ils lançaient le Slinky, puis l'antenne se rendait plus loin. Bref. Et puis, depuis 1945, environ 250 millions de Slinky ont été vendus. Si on les mettait bout à bout et qu'on les étirait, je sais pas pourquoi on ferait ça, mais ça envelopperait la planète 126 fois. Hein? Puis on sentait que des Slinky, c'est assez difficile à étirer. À moins qu'ils parlent vraiment de les compresser lorsque fermés. Là, ça ne servirait à rien. C'est moins impressionnant pas mal, là, il me semble, non? Oh, mais là, tu parlais des étirés. Ouais, mais je sais pas, mais c'était pas écrit. Moi, j'ai deviné qu'il les étirait. Là, parce que sinon, ça se donne quoi de mesurer que ça va prendre 126 fois? C'est parce que tu peux pas faire un rond avec un Slinky si tu l'étires pas au moins un peu. Là, non, si c'est tu le fermes, ça n'a aucun sens. Mais peut-être que si tu les mets eux autres un après l'autre, puis là, la longueur, t'as pas littéralement à les envelopper. Ça, c'est juste un mouvement que tu fais dans ta tête. Là, juste la longueur de. Tu peux arrêter? Arrête. Tu peux arrêter ici. Ouais. C'est assez. Ça va faire. C'est assez. C'était la chronique, c'est un fait pour aujourd'hui. D'autres faits demain à Assemblage Requis. Exactement. Demain aussi, grosse émission. On va recevoir Maxime Lemieux Laramé avec sa chronique. Oui. On télécharge quoi? Et puis, on reçoit aussi en studio, cette fois, Madame Gagné. Steph the Winner. Stéphanie de son prénom. Oui, avec sa chronique Ton plat favori. Pour l'instant, on va entendre une pièce de Michel O. Voici à l'instant, Assise dans ma tête. Et puis après ça, bon, on revient puis on se termine l'émission. Michel O. Michel O. Comme Michel, accent grave L-E, espace, O majuscule point. Mais en allemand, il faudrait mettre des majuscules partout de toute façon. Callback. Nickelback. Non. Jamais. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de Banque nationale. Michel O est assise dans ma tête à Assemblage requis. C'est la fin de l'émission pour aujourd'hui, mais avant ça, il nous reste encore un petit peu de temps. Puis François, qu'est-ce que t'as trouvé de farfelu à nous dire, toi, là? Écoute, j'ai trouvé un site, en fait, qui nous explique que BMW a lancé un projet pilote dernièrement. Ce projet pilote-là s'appelle BMW sur demande. Ça permet à la population, en fait, là, de... Bref, ça se passe en Munich. Ça permet à la population de la ville de Munich de louer une BMW à l'heure. Et la BMW est de son choix. Wow! Ah ouais, tout à fait. C'est vraiment pas pire. Je lis un peu l'article. C'est ça, on peut la louer pour aussi peu qu'une heure par Internet ou en personne. En fait, on se présente directement là. Et puis, parmi une trentaine de modèles. Donc, ça fait beaucoup d'heureux dans le sens que quand on dit que c'est vraiment pas cher, là, on parle de louer une décapotable Z4 SFS Drive, en tout cas, bref, pour 28 et 18 $. Wow, tu veux flasher avec une fille, hein? Ça, c'est gagnant. Hein? Non, mais c'est formidable. Non, mais en fait, tu sais, comme, je sais pas, tu t'en vas à Québec puis t'as le goût de rouler vite. Non, mais tu sais, ouais. Pour vrai, là, et puis, ça, selon la structure de prix promotionnelle annoncée à BMW, cesse de compter, de facturer après 4 heures. Okay. Donc, entre 9h et 18h, on peut rouler 9 heures et ne payer que pour 4 heures seulement. Le tarif après 18h est encore meilleur. Oh. On peut avoir la voiture durant 15 heures jusqu'au matin et ne payer que pour 2 heures. ça vaut la peine. Ouais, mais si on réserve pour 4 heures et qu'on roule moins longtemps, BMW sur demande ne charge que pour le temps réel d'usage. Wow. L'essence consommée est mesurée, chargée au litre près, assure BMW. C'est comme à la minute avec les compagnies cellulaires. Hey, Grim, non, mais c'est complètement... C'est malade. Puis je trouve ça... je trouve qu'il est atteint. Ouais. Il est atteint. Écoute, je te dis pas que je me louerais une Ford Tempo à l'heure, là. Ben, malgré qu'en ville, des fois, tu as juste une commission à faire. Ouais. Là. C'est un peu... C'est juste une commission, il faut quand même que tu ailles jusqu'au concessionnaire à la place pour la louer, puis après ça revenir, mais c'est quand même du trouble, mais bon. Ouais, mais il existe comme Noto, je sais pas si tu connais... Ah, je sais pas s'il va y avoir, s'il va y avoir des communauto BMW. Je sais pas. Hein. Je sais pas. En tout cas, ça augmenterait la hausse des membres. Ça augmenterait la hausse. C'est ça. On aime ça. C'est tout pour Assemblage Requis. On se retrouve demain matin à 7h. Il va y avoir Maxime Lemulin-Ramé avec sa chronique Télécharge quoi. Il y a aussi Stéphanie Gagné avec Ton plat favori. Émilie Gauthier avec Veux-tu sortir avec moi. Donc, c'est la journée des grosses chroniques sales. On aime ça. C'est demain à 7h. Restez sur nos ondes tout à l'heure à 11h. Il y a le dîner de con avec Danny Janvier. Puis plus tard en journée, il y a les bêtes très violentes à 16h avec Alex Drouin. Il faut pas manquer ça. Les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent dans quelques secondes. Moi, je vous dis bonne journée. François aussi vous le dit. Bonne journée. Puis demain, ça va être notre grosse journée à nous aussi parce qu'on va avoir, toi, c'est Call of Duty Black Ops. Est-ce qu'il sort demain matin, 9h, 8h? Moi, c'est le Blu-ray de Scott Pilgrim. Mais vous pouvez l'avoir à partir de minuit au Vidéotron qui va être ouvert spécialement pour ça. Ah ouais, quand même. Bonne journée, puis bon congé demain si tu viens pas. Ah non, je vais être là. Ah merde.